Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons changer de sujet et nous intéresser à la grippe. Alors, comment concevoir un vaccin efficace contre la grippe? Alors, c'est ce que nous allons voir avec Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, oui, j'ai décidé de vous parler un peu de la saison de la grippe achève, disons, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, surtout ceux qui ont des problèmes respiratoires. Mm-hmm. Et c'est sûr que moi j'ai pas attrapé la grippe, je sais pas pour vous, il y a des gens qui ont été plus chanceux que d'autres, mais j'ai attrapé d'autres trucs. la grippe c'est une maladie quand même grave, des fois on l'oublie parce que lorsque vous souffrez de d'autres problèmes respiratoires, ça peut vraiment être la dernière maladie que vous attrapez. Ouais, ça peut être mortel, effectivement. Surtout si vous êtes une personne âgée. En fait, ça dépend de la souche, parce que si vous êtes une personne âgée, peut-être que vous l'avez déjà vu dans votre enfance, il y a des cycles, des trucs compliqués un peu au niveau de la grippe. Et dans le fond, ça embarque un peu dans ce qu'on va parler, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour combattre la maladie, mais qui en déplaise aux négationnistes des vaccins, ça reste que le vaccin, c'est vraiment la meilleure arme pour contrôler la grippe, essayer de diminuer la quantité de gens qui en ont. Ou, en fait, des fois, vous allez l'attraper, vous avez été comme un peu pré-immunisé, donc ça peut diminuer les symptômes. Donc, c'est pas toujours noir et blanc. Des fois, ça vous empêche pas nécessairement de l'attraper, mais votre système immunitaire a vu quelque chose de similaire. Uh-huh. Donc, elle est pas mal moins pénible. C'est ça, au lieu de prendre 2-3 jours avant qu'une réaction réelle embarque, elle peut apparaître dans quelques heures. Donc, ça fait la différence entre je me sens un petit peu mal, mais le lendemain ça va, et une semaine au lit et plein de souffrances. Donc, le vaccin c'est vraiment l'arme numéro un là. Mm-hmm. Sans compter aussi que la grippe peut souvent virer en pneumonie ou encore en bronchite. Donc, en fait, il y a aussi des gens qui ont une autre maladie. Là, ça ben oui. Vous êtes en traitement pour le cancer, vous avez le système immunitaire à terre, bang, vous pognez la grippe et tout d'un coup, c'est pas le cancer qui vous tue, c'est la grippe. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très dangereux. Mais c'est un fait. Mais le problème avec la grippe, c'est que le virus change, évolue constamment, en fait, il mute. Est-ce que c'est la principale problématique avec les vaccins, justement, toutes ces mutations au fil des années, en fait? Oui, en fait, ça rend le travail de fabrication de vaccins extrêmement compliqué. C'est pas comme la rougeole ou en fait, pire que ça, la rubéole et la... Il y avait une autre qui ressemble à la chicken pox, en fait, la smallpox, le ce qui donne le zona plus tard. Ouais, en tout cas, peu importe. Il y a eu quand même beaucoup de maladies qui ont été éradiquées avec le vaccin. On pourra probablement pas éradiquer la grippe, malheureusement, avec les vaccins. Parce qu'il y a trop de mutations. La picote. Et il y a trop de mutations. Ça bouge tout le temps. Et aujourd'hui, on utilise des mélanges de souches différentes. On regarde ce qui a fonctionné dans les années précédentes. On regarde les souches de grippe qui ont été fréquentes l'année d'avant. C'est pas vraiment élégant, mais c'est vraiment un travail qui est un peu un jeu de hasard. En anglais, on appellerait ça un educated guess, une tentative de prédiction, peut-être. Ce n'est qu'une tentative souvent, et des fois ça manque complètement la marque, et des fois ça fonctionne pas si mal. Je crois que cette année ils l'ont eu pas si mal, la prédiction des souches qui allaient être présentes. Et donc deux scientifiques de l'Université de Columbia, en fait, qui ont décidé d'améliorer la prédiction de ça, et ils ont conçu un modèle mathématique qui permet de prédire quelles seront les souches de grippe les plus fréquentes. Donc ça devient pas juste un travail de chance, mais il y a un petit peu de science là-dedans maintenant. En fait, il y a plus de science qu'il y en avait. Et aussi, on voit que la grippe, souvent, elle part de Hong Kong ou encore de l'Asie. Est-ce que ça oriente un peu le travail, j'imagine? C'est sûr qu'il y a des choses qui se modifient, comme il y a eu l'introduction récemment des grippes porcines. Chaque grippe a comme un petit peu... Ou les grippes aviaires aussi. Oui, c'est ça, des familles, en fait, d'animaux souches. Il y a des grippes qui sont d'origine porcine et des grippes qui sont plus d'origine aviaire. Et ça fait des différences au niveau de la viralité et des genre de symptômes ou la capacité. Ça se transmet aussi entre les espèces dans les... Exact, il y a beaucoup de variétés là-dedans. Il y a eu beaucoup de souches de complexité au niveau de la grippe. Là. Mais en fait, comment ça fonctionne tout ça? Comment est-ce que les scientifiques arrivent justement à déterminer quelle sera la souche? Ben, le modèle ne prédit pas réellement les mutations qui surviennent, mais ils étudient dans le fond les niveaux de vigueur de différentes familles de virus de la grippe. Ils vont prendre les virus de la grippe qui ont circulé pendant une année. Ils tentent de les regroupés en famille, avec leurs différences et leurs similitudes. Et en fait, un arbre généalogique. Okay. En fait, de la grippe. Génétique, c'est ça. Ouais, un arbre génétique. Et ils peuvent regrouper les différents types de grippe ensemble et regarder leurs différentes propriétés. Le modèle utilise aussi une classification des mutations qui augmente la puissance du virus ou sa capacité à nous infecter. Donc, ils vont vraiment regarder ce qui permet à un virus de se transmettre, donc d'être problématique. Uh-huh. Parce que des fois, il y a des virus qui vont vous rendre très, très malade, mais qui vont pas nécessairement sauter d'un être humain c'est à ça, l'autre si facilement. Facilement que ça. Donc, eux, ils vérifient surtout la capacité d'un virus à se transmettre. Okay. Mais en fait, c'est une donnée facile à récupérer parce que vous avez juste à regarder le nombre de personnes infectées. Donc, c'est une statistique relativement simple et fiable, en fait, à aller chercher. Mais c'est un fait que tu fais ressortir deux choses, en fait. La transmissibilité, d'une part, et aussi la force du virus, en fait. Parce qu'on peut avoir un virus qui va se transmettre beaucoup, mais qui sera pas très fort, il va causer seulement quelques symptômes. Parce qu'il y a comme un juste équilibre en ça. Hein? Si vous aviez un virus qui serait tellement efficace qu'il vous tuerait en deux heures, il n'y aurait probablement pas vraiment le temps de se propager. C'est ça. Donc, il y a comme une fine balance que des fois le virus doit essayer d'aller chercher. Donc, dans la pratique, les chercheurs ils analysent une grande quantité d'échantillons, ils séquencent de l'ADN de plein de virus collectés, puis ensuite, ils classent les virus en famille ou en groupe. En comparant un nouveau virus à cette base de données-là, ils peuvent, dans le fond, classer le nouveau virus et tenter de prédire son comportement avec ceux, en comparant avec ceux de la famille. Donc, si vous avez un nouveau virus, mais qui ressemble beaucoup à ce groupe-là, vous pouvez dire, ah, ben, il va probablement se transmettre de telle manière, il va probablement avoir telle sorte de viralité. Et, dépendamment du genre d'immunité qui est installée dans la population, vous pouvez un petit peu prédire qu'est-ce qui devrait arriver avec ça. Donc, on peut aussi prévoir si une mutation sera bénéfique pour le virus ou au contraire sera nuisible pour sa multiplication parce qu'on sait que telle famille est efficace ou telle autre famille est moins efficace comme virus, disons. Et quand je parle d'efficacité, je parle du point de vue du virus ici, là. Oui, c'est ça, effectivement. Puis justement, en fait, quels sont les facteurs qui influencent entre guillemets, l'efficacité d'un virus? Ben, la clé, souvent, d'un virus, c'est dans les protéines de surface, parce que c'est avec ces protéines-là que le virus interagit avec le monde extérieur. Mm-hmm. Vous pouvez considérer qu'un virus est un petit peu un genre de ballon de soccer qui aurait des couleurs ou plutôt des formes sur la surface du ballon, et à l'intérieur, il y a son code génétique. Mais ce qui importe vraiment pour le virus, ou ce qui importe surtout dans la science de l'immunité, c'est les protéines. Qui sont exprimées à la surface. Exact, parce que c'est ça qui va déterminer si un système immunitaire peut ou non réagir efficacement ou non contre ce virus-là. Donc, eux autres, en fait, ils ont concentré leurs efforts sur ce qui code pour les protéines de surface, parce qu'ils savent que c'est essentiellement ce qui dirige l'efficacité ou non du virus-là. Donc, les limitations qui affectent les protéines sont vraiment vraiment particulièrement importantes. Mais le vrai défi, c'est de faire du sens entre la montée en puissance d'un virus et la famille du virus auquel il appartient. Donc, déjà, ce système-là est capable de prédire efficacement les familles de virus qui seront les plus virulentes d'une allée à l'autre. Et ça, là, juste ça, c'est vraiment une grosse victoire au niveau du système parce que c'est déjà un outil très pratique qui va permettre, parce qu'en fait, c'est que si vous êtes capable d'identifier en général quelle famille de virus va être exprimée d'une année à l'autre, vous avez juste à... En fait, c'est que si vous mettez dans votre vaccin un virus qui fait partie de la même famille, mais qui n'est pas exactement ce que vous avez besoin, vu que c'est dans la même famille, ça va au mieux, au pire avoir quand même une efficacité partielle et au mieux avoir une très bonne efficacité. C'est ça. Donc, même si on n'a pas exactement le virus, si on a à peu près sa famille, c'est comme si on disait on a un suspect... On ne sait pas la marque de la voiture, mais on sait qu'elle est rouge. Donc, ça permet déjà de l'identifier beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez aucune information. Donc, au niveau du système immunitaire, c'est là que c'est vraiment pratique. Et selon les chercheurs, les gens qui fabriquent, les institutions qui fabriquent les vaccins pourront déjà, dès cette année, utiliser le virus pour l'année prochaine, la saison de la grippe 2014-2015. Donc, ça, c'est déjà très bien. Et est-ce que ça implique un gros travail de statistique, tout ça? Ouais, là, c'est vraiment, vraiment de la statistique. Les biologistes qui travaillent là-dessus, en fait, c'est pas vraiment des biologistes, c'est plus des statisticiens, honnêtement. Rendu là, en fait, c'est des statisticiens, peut-être... Des épidémiologistes, peut-être? Oui, surtout, c'est genre de... Ou de la biologie, de la bioinformatique aussi, le genre de truc, parce que c'est vraiment des gens qui doivent traiter une quantité énorme de données. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de données, de connaissances, de mécanismes qui est important à faire un lien avec ça parce que si on connaît le genre de protéines, ensuite on peut vraiment identifier qu'est-ce qui va être efficace ou non et donner quand même un jugement de valeur par rapport à ce que le programme peut prédire. Et il y a encore de la place à l'amélioration parce qu'il prédit pas de manière hyper efficace, en fait pas 100% efficace. Et la chose qui est le plus de difficulté à faire, en fait, c'est de prévoir la disparition d'un virus d'une année à l'autre. Ça semble problématique pour le système parce qu'il est juste capable de le prédire 3 fois sur 4, ce qui est déjà mieux que lancer un jeton dans les airs, mais quand même. C'est ça. Donc c'est déjà un bon outil pour prédire le niveau du profil grippal et on est peut-être en train de battre la grippe un peu à son propre jeu, ce qui est quand même intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Philippe. Alors écoute, en tout cas, produire un virus adapté, ben c'est une belle application concrète des statistiques et des simulations. Oui, tout à fait. Alors, je te remercie beaucoup. On va passer au mot de la fin.